Bonsoir à tous, c'est l'émission Electron Libre, un vendredi sur deux sur Antenne Doc. Et donc ce soir, une nouvelle soirée, comme prévu, hein, c'est le contenu de l'émission. Comme prévu, du son live encore pour ce soir. Et ce soir, on a un invité, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est DJ Jules. Il nous fera donc un petit set, un petit mix. C'est nouveau chez nous, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui vient avec des platines. Et voilà, donc un petit mix Artec a priori pour commencer. Voilà, donc on va vous rappeler quand même le mail de l'émission, c'est electron.libre, tout ça au pluriel, electron avec un S, libre avec un S. @orange.fr. Et donc on vous le redit, l'adresse mail, c'est pour nous donner c'est vous qui donnez à nous vos impressions sur l'émission, si ça vous plaît ou pas. Voilà, il faut nous le dire parce que nous on n'a pas grand monde qui nous répond, alors on aimerait bien savoir. Et puis c'est aussi et peut-être surtout pour nous donner vos adresses et vos contacts et tout ce que vous voudrez. Pour qu'on puisse écouter votre son, parce que la base de l'émission, c'est quand même que les gens puissent faire leur son en direct, en live, chez nous. Donc nous, ça nous intéresse et on a personne qui nous a contacté. Les gens qui viennent, c'est des gens qu'on connaît. Voilà, donc on le redit, electron.libre@orange.fr. Voilà, donc contactez-nous. Et puis, toujours un site sur lequel il y a du son en téléchargement libre, c'est sympathique. Et ce site, c'est Psylon-Board, Psylon, Psylon-Board, B-O-A-R-D, .com, voilà, Psylon-Board.com, Psylon-Board, bon, voilà. Hein, et vous aurez compris, donc... L'émission toujours du live, enfin d'abord un mix, hein, comme je l'ai dit, notre invité ce soir DJ Jules, qui va commencer très bientôt, et puis ensuite on aura les habitués de nos lieux déjà, notamment Monsieur P et Tonton Free. Voilà, voilà, voilà. Ça va commencer avec DJ Jules, un mix Artec qui va démarrer d'ici peu. feeling of power. Thank you. Il y a des araignées. Il y a plein d'araignées. Elles veulent que je fasse un numéro de claquette. Oh, je veux pas faire de claquette. Je vais leur dire que je veux pas. Je vais leur dire. We'll be right back. experienced brain scan. The ultimate experience in interactive terror. Thank you. voici. L'équipe qui brouillait derrière moi s'efforce de décontaminer la zone et d'évacuer l'alerte des camions qui arrivent. Des sources anonymes ont affirmé que l'explosion a des caractéristiques d'une arme chimique ou même biologique et l'accès au lieu du drame est strictement limité. Dans de telles circonstances, nous ne pouvons pas exclure l'éventualité d'une attaque We'll be right back. Toujours l'émission Electron Libre sur Antenne Doc. C'était le mix de DJ Jules, notre invité du jour. Son premier mix, et peut-être il nous refera quelque chose plus tard dans la soirée. Voilà, donc restez à l'écoute hein, si vous voulez la suite. Il est avec moi là et il va peut-être un petit peu nous dire voilà, s'il a envie, d'où il vient, comment il a commencé à faire du son, dans quel contexte et tout, et où c'est que ça naît. Voilà, voilà. Bah, salut, voilà, je viens de Perpignan, j'ai commencé les teufs à Perpi, donc voilà, après je suis arrivé dans l'Hôte, j'ai commencé à mixer en free, tout ça, donc voilà. C'était en quelle année en fait t'as commencé en free? À mixer ou à participer? Bah, à faire du son quoi, mix ou autre. Mix, j'ai dû commencer en 2003 à peu près quoi. D'accord. Et donc au départ t'étais quoi, plus vraiment free, dans des collectifs ou quoi, ou En fait j'ai toujours été indépendant quoi, j'ai toujours mixé tout seul, j'ai tenté de monter un ou deux collectifs, bon, mais sinon je préfère jouer tout seul, être indépendant quoi. Ok ouais. Et donc aujourd'hui en fait tu fais quoi? Est-ce que tu... Enfin t'es toujours en free, toujours avec d'autres gens, ou toi tout seul, ouais, plus indépendant ouais. Bah, toujours indépendant, là j'essaie d'attaquer les concerts, les festivals, les trucs comme ça quoi. Mais sinon j'aurai toujours en free party quoi, je pense quoi. Et qu'est-ce que t'as fait en fait comme concert et tout? T'as déjà fait des trucs, des dates? Ouais, le premier dans le Lot ça a été pour le soutien du réseau Sortir du Nucléaire. Donc c'était pour les 20 ans de l'accident de Tchernobyl. Et ensuite après j'ai joué je me souviens plus. Les nuits du film, non? Ah oui, à Cahors, ouais, au Doc. Si, sinon j'ai fait un tremplin à Figeac avec la date du Lot. Donc voilà, j'ai terminé premier. Donc c'est pour ça que j'ai fait le concert en fait au Doc à Cahors en fait. Quoi. D'accord. Ouais, très bien. Très bien. Et ouais, c'était un tremplin à Figeac, et en fait avec ce tremplin t'as pu jouer à Cahors, c'était dans le cadre des Nuits du Sud ou ça avait rien à voir en fait le tremplin? C'était... En fait c'était c'était les quatre groupes sélectionnés en fait en finale. On nous a fait jouer dans quatre concerts différents et moi donc ils ont choisi de me faire jouer dans cette soirée là en fait à Cahors. D'accord, très bien. Et voilà, sinon tes projets, enfin est-ce que t'as peut-être tu veux faire des vinyles toi-même ou juste enfin ou continuer comme tu disais sur des dates plutôt et des soirées quoi? Pour l'instant pas de création prévue quoi. Sinon la prochaine date c'est au festival du Chêneau Manquant à Figeac. Donc c'est le samedi 27 mars je crois. Donc voilà, c'est après le concert. Donc petite promo, j'en profite, c'est 2€ l'entrée. Donc voilà, après le concert quoi. Donc le 27 mars, tu me dis, ce serait c'est 2€ l'entrée le... L'entrée sur le site. D'accord. Bah, écoute, ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, de toute façon, cette date, tu pourras nous la redonner. Enfin, on vous la redonnera dans l'émission, quoi, avec plus de précision, si ça vous branche. Et voilà, alors à moins que tu aies un petit truc à rajouter, sinon on va enchaîner avec Monsieur P, qui se prépare. Voilà, peut-être un dernier mot. Non. La suite de la soirée. Ben on verra, ça dépend des places, parce qu'apparemment il y a des lives de Toulouse qui doivent arriver. Ah ouais. Donc, ça dépend de la place en fait, pour pas trop déborder quoi. Mais, sinon, ça oui. Sera, si je rejoue, ça sera hardcore. Voilà. Ok. Ben ouais, effectivement, c'est les contraintes de l'émission. On verra bien qu'est-ce qu'on vous prépare pour la suite. Voilà, ben en attendant, c'est un habitué des lieux, un habitué de l'émission, Monsieur P, sur sa machine Korg. Il est là, c'est parti.

Thank you. Thank you. Thank you. C'était Monsieur P sur Electron Libre, l'émission sur Antenne Doc un vendredi sur deux. Bon petit live de Monsieur P là, hein, bien en jambes, bien motivé. Voilà, voilà. Et ben, on va enchaîner dans pas longtemps, hein, avec notre habitué des lieux, Lig Look, qui est là ce soir sur Fruity Loops, lui. Voilà, voilà, il se prépare. Hein. Et donc, en attendant, on va vous annoncer quelques soirées qu'on vous avait déjà annoncées la fois dernière, mais bon, on vous les redonne, puisque la date se rapproche, hein, c'est demain soir. Donc, le samedi 27 janvier, dans la Montagne Noire de Free, d'un côté, les Radcore et Arcaïde, et de l'autre, les Apothèques. Voilà, tous les deux dans la Montagne Noire, a priori, mais pas ensemble, si j'ai bien compris. Voilà, voilà, donc ces deux soirées-là, c'est demain, samedi 27 janvier. On va même vous rappeler les infos, puisqu'ils nous les avaient données, et voilà, ça leur posait pas de problème. Donc l'infoline pour la soirée Radcore Arcade, c'est bon, 3672 étoile 1, comme d'habitude, et ensuite 222-333. Et pour la soirée des Apothèques, donc dans la Montagne Nord aussi, l'info, c'est 23-68-35. Voilà, 23-68-35. Sinon, on peut aussi vous redonner une soirée qui aura lieu fin février en Espagne. Ça, c'est une grosse soirée en Espagne. On n'a pas la date précise encore, hein. On vous la donnera bientôt. C'est une soirée Brain Hacker PTT. Voilà, donc grosse soirée en Espagne. Et puis aussi cette soirée... fin mars, le 31 mars, Teuf réformé Radcore et encore d'autres aussi d'ailleurs. Donc Teuf dans la Montagne Noire, comme selon l'habitude des réformés, le 31 mars, et avec Venom et Goetia qui viendront faire leur mix, leur live, je ne sais pas. Voilà, voilà. Ils seront tous là donc le 31 mars dans la Montagne Noire. Et l'info, c'est celle des réformés, comme d'hab, 444555. Voilà. 444555, tout ça le 31 mars. Et bien nous, on va continuer la soirée avec Lig Look. Lig Look qui va démarrer son live d'ici peu. Et donc on continue sur Electron Libre. We'll be right back. We'll be right back. C'était Ligluc sur Electron Libre, l'émission techno, RTEC Hardcore sur Antenne Doc. Un vendredi sur deux de 21h à minuit, et parfois un petit peu plus qu'à minuit, mais bon, aujourd'hui on va être plus raisonnable. Voilà, voilà. Et donc, on va continuer la soirée avec Tonton Free, et on va quand même lui faire une petite dédicace à Tonton Free. Parce que bon, c'est sa dernière émission avant un petit peu d'étang, un petit moment. Bonne et... dernière émission, Tonton Free. Et oui. Et bon, quand même, il nous quitte dans de bonnes circonstances. Hein. Hein, il va faire. Et joyeux non anniversaire. Oui, c'était stupide, hein, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas du tout son anniversaire. Il va faire des trucs super des côtés de Lyon. Bon, voilà. Oui. Et donc, il est là, en tout cas, ce soir, et il reviendra nous voir, quand même. Mais bon, il sera un peu presque invité quand il nous reviendra nous voir. Il sera tranquille, comme ça. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'il est prêt et qu'il va démarrer. Donc, Tonton Free, sur Electron Libre. Take. Thank you. les extraterrestres, me mangez pas, j'ai une femme et des gosses, mangez-les. Tonton Free et problème de matériel, ça marche pas trop bien. Alors voilà, et on va s'arrêter là avec Tonton Free et ben on va quand même reprendre avec Monsieur P qui va nous faire quelque chose, mais bon, avec les problèmes il reprend, Julien reprend. D'accord, bon, j'avais pas compris. Bon, alors ce sera pas Monsieur P, ce sera Tonton Free qui va reprendre. Mais quand il aura réparé les matériels. Alors, on va quand même vous rappeler, vous reparler quand même de notre invité, DJ Jules, donc, qui devait éventuellement faire un mix hardcore à la fin de cette soirée. Finalement, il ne le fera pas ce soir, mais il reviendra nous voir d'ici peu, d'ici un mois, on pense, puisque on a déjà des gens qui vont nous rendre visite dans 15 jours. Voilà, donc vous reverrez DJ Jules, si ça vous a plu, écoutez-nous d'ici un mois, on pense. Et voilà, il reviendra peut-être accompagné, faire son mix hardcore. Et voilà, visiblement ça s'arrange à la radio, pour Tonton Free qui va repartir a priori. Allez, Tonton Free, c'est parti, il est là, il est prêt. Il est prêt pour l'orgasme final en coulée. Il est prêt pour l'orgasme final en coulée. Tonton Free sur Electron Libre. Ça fait bien plaisir. Hein. Après des petits problèmes techniques, ben, ça s'est bien arrangé. On peut dire que Tonton Free nous quitte sur un bon live quand même. Hein. Ça fait bien plaisir. Mais bon, il nous quitte. Voilà, il sera plus à la tête de notre groupe, on va dire, mais il nous rejoindra. Il reviendra sans doute en mars et en tant qu'invité, plus ou moins. Voilà. Mais déjà habitué des lieux. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, il est quand même déjà 1h moins le quart et ça fait 3h30 d'émission. On va pas jouer les archi-couche-tard à chaque émission. Donc pour ce soir, on va se quitter. Voilà, encore dédicace à Tonton Free. Et puis moi, je fais une petite dédicace aussi à Olivier. Olivier, s'il n'est pas encore couché, qui nous écoute. Voilà. Ben, merci à toi en tout cas. Notre premier auditeur, hein, peut-être. Bon. Voilà, c'est l'émission Electron Libre. Je vous rappelle le site, l'adresse mail plutôt, electron au pluriel point libre, au pluriel aussi, @orange.fr. Donc ça, c'est pour nous contacter, nous donner vos impressions sur l'émission et évidemment nous laisser vos contacts et tous les numéros, les mails possibles, machin. Si vous avez envie de venir faire du son dans l'émission, parce que voilà, comme on l'a déjà dit au début, c'est l'objet premier de l'émission, donc contactez-nous et proposez-nous vos maquettes, machin, enfin maquettes ou ce que vous voulez, à nous faire écouter sur CD. Et nous, voilà, il n'y a pas de problème, on est ouvert à tout type de son et il faut venir à la radio. Voilà, voilà, contactez-nous. Bon, et ben, l'émission Electron Libre se termine pour ce soir. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, ce sera le 9 février, je crois. Avec on va varier les plaisirs avec du son électro un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ce sera sans doute pas du live, mais ce sera sympathique. Voilà, on vous fera découvrir tout ça. Et donc je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir. Au revoir à tous. Adieu. Mais bon, on se revoit bientôt. Hein. Sur 21h à minuit. Sur Antenne Rock.